Brie sur le vif. Écoutez. Attention, attention. Le train express 605 en provenance de Paris, à destination de Lyon, entre en gare au quai 3, voie B. Les voitures de première classe sont en tête. Ce train comporte un wagon-restaurant. Au revoir, Jacques. Nous avons passé un week-end formidable. Salut, bon voyage, à bientôt. Fermez les portières, s'il vous plaît. Attention au départ. Répétez. Attention, attention. Le train express 605 en provenance de Paris, à destination de Lyon, entre en gare au quai 3, voie B. Les voitures de première classe sont en tête. Ce train comporte un wagon-restaurant. Au revoir, Jacques. Nous avons passé un week-end formidable. Salut, bon voyage, à bientôt. Fermez les portières, s'il vous plaît. Attention au départ. Écoutez. Départ à destination de Milan, vol Air France 757, embarquement immédiat, satellite numéro 3, porte 12. Le commandant de bord et l'équipage sont heureux de vous accueillir à bord et vous souhaitent un bon voyage. Nous vous demandons de garder vos ceintures attachées et de ne pas fumer jusqu'à l'extinction des consignes de sécurité. L'atterrissage à Milan est prévu pour 12h15. La température extérieure est de 27 degrés. Répétez. Départ à destination de Milan, vol Air France 757. Embarquement immédiat, satellite numéro 3, porte 12. Le commandant de bord et l'équipage sont heureux de vous accueillir à bord. Et vous souhaitent un bon voyage. Nous vous demandons de garder vos ceintures attachées et de ne pas fumer jusqu'à l'extinction des consignes de sécurité. L'atterrissage à Milan est prévu pour 12h15. La température extérieure est de 27 degrés.